Demandez à un cantonnier ce qu'il fait toute la journée. Il répondra sans aucun doute des routes. Demandez aux gouttes de pluie ce qu'elles fabriquent pendant des heures. Elles ont cette réponse jolie. Les abeilles qui butinent dans l'air du printemps, que font-elles? Elles préparent pour leur tartine du miel. On a tous un talent qui tord, qui tord, même si on l'ignore. On a tous un talent qui tord, qui tord, même si on l'ignore. On a entre les mains de l'or. Les poules n'ont peut-être l'air de rien, mais le plus complexe des machins n'arrivera jamais à faire mieux. Les œufs. Pourquoi sur l'arche de Noé tout le monde a été sauvé? Moi, nos mignons serpents hideux. Parce que on a tous un talent qui tord, qui tord, même si on l'ignore. On a tous un talent qui tord, qui tord, même si on l'ignore. On a tous un talent qui tord, qui tord, même si on l'ignore. On a entre les mains de l'or. De l'or. De l'or. De l'or. Premier au tableau d'honneur, les cancres près du radiateur, les bosseurs comme les rêveurs. Les rêveurs. On a tous un talent qui tord, qui tord, même si on l'ignore. On a tous un talent qui tord, qui tord, même si on l'ignore. On a tous un talent qui tord, qui tord, même si on l'ignore. On a tous un talent qui tord, qui tord, qui voudrait éclore. On a entre les mains de l'or.